Micro ouvert. Signez ceci et moi, je vous dis une chose, je crois en vous. Mais franchement, vous êtes bien le seul. Mais il en faut moins. Moi, je ne pourrais jamais faire le boulot que vous faites. Moi aussi, j'aurais voulu être cosmonaute. J'ai jamais voulu être cosmonaute, moi. Ça va, hein, jouez pas la victime avec moi. Votre évaluation est positive. Et même, j'ajouterais, je comprends votre colère. Rencontrez-vous des difficultés dans vos recherches? Enfin, à part vos cheveux, je veux dire. Et sinon, vous baisez de temps en temps, ça vous arrive ou... Je fais tout ce que je peux pour vous aider. Je me fais engueuler à longueur de journée, mais c'est mon métier. Je suis là pour que le monde entier tienne debout. Arrêtez cette caméra, merde! Putain, vous êtes pas une machine, vous êtes pire, là. Ta gueule! Je me demandais un peu dans quelle mesure j'ai pas un rôle dans ce qui est arrivé. Mais enfin, je dois pas être le seul à lui avoir dit ce que je lui ai dit. J'ai commencé à crier, j'ai haussé le ton. J'ai crié pour rire, mais j'ai crié. J'y suis allée en jouant ma dernière carte, quoi. J'ai attendu. Et je suis partie. C'est un truc de dingue, quand même, quoi. Bon, finalement, je pourrais presque culpabiliser. Et après, quand j'ai su ce qui s'était passé, on écoute Miguel Benassayac, psychiatre, psychanalyste, qui réagit dans le film qui s'appelle En marche, histoire de l'homme-machine, et qui donne son avis sur le contrôleur des chômeurs. Cette personne comme ça qui est en train de dire les droits et les devoirs, ce qu'il faut pour vraiment comme acte de résistance et pour pouvoir un peu décoller de ça, c'est les voir dans sa réalité, c'est-à-dire un cochon en train de se masturber dans un tas de merde. Et ça, c'est très important parce que le problème, c'est que si on ne peut pas les voir comme ça, c'est nous que nous voyons comme sales et non valables et non viables. C'est-à-dire qu'on se sent inutile si on est chômeur. On se sent transgressif, on ne se sent pas comme il faut, on ne se sent pas de la bonne couleur, on ne se sent pas de la bonne ethnie. Non, c'est-à-dire qu'ils sont froids, pourquoi? Pour jouir de vous faire sentir comme il ne faut pas, vous êtes comme il ne faut pas. Donc moi je pense que le minimum de résistance, c'est comprendre quand même cette réalité absolue, que les mecs tout propres, tout bien, qui dit calmement, vous serez considéré comme surnuméraire, vous serez expulsé, vous serez là, est un cochon. Sans vouloir vexer les cochons. Donc on est à la SCOP, hein. Coop. Oh, comment t'as dit? Coop. Ouais, moi tu vois, je pas coopérative, mais pourquoi SCOP? Ouais, à mon avis. En France, il y a un truc connu comme ça, qui fait aussi de l'éducation permanente. Enfin, quelqu'un peut décrire un peu l'endroit ici? Non? C'est ici que vous allez diffuser... À mon avis, c'était un site industriel, et puis qui a été transformé, rénové, et qui est très propre maintenant. Il y a 5 ans, moi, je discutais un petit peu avec la dame au bar. Il y a un bar ici qui tient le bar. Ouais, mais on découvre, nous, on n'est pas liés à cet endroit, on découvre. Et c'est très beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup, je trouve ça très, très beau. C'est d'un point de vue architectural, c'est assez passionnant. C'est un lieu de coworking, en fait. Donc, c'est plein d'associations, d'entreprises. Je pense qu'au départ, c'est une initiative publique-privée avec des subsides et tout pour rénover un lieu industriel sûrement en déshérence au bord du canal. Et ils en ont fait, effectivement, un chouette lieu où il y a, en plus, il y a une terrasse sur le toit. Là, on n'est pas sur le toit parce que sinon, ça ferait des vilains bruits dans le micro. Mais c'est, ouais, non, c'est chouette. Un rooftop, c'est comme ça qu'on appelle ça. Comment t'as dit ? Un rooftop. Ça veut dire ? J'ai une terrasse sur le toit. Et quoi, donc, vous êtes... donc, on est quatre autour de la table. Hein, vous êtes, normalement, il y a une cinquième personne. Donc, vous réalisez un film, une fiction qui s'appelle En Marche. Et donc, ce soir, il y a quelque chose par rapport à ça, ici, dans ce lieu. Et c'est quoi, l'événement ? C'est la projection du film. Voilà, tout simplement. Voilà. OK. C'est la première ? On a eu une avant-première au Palace, puis une première le 1er mai, jour du non-travail, au Cinéma Nova. Et donc, c'est la troisième projet. C'est la deuxième, si on ne compte pas l'avant-première. Donc, J'aime bien toujours commencer un peu comme ça. Mais quoi, du coup, on va, vous inquiétez pas. Mais quoi, les retours sont bons ? C'est quoi les retours du... vous avez eu des retours ? Oui, on a eu des retours. Les retours sont, dans l'ensemble, sont quand même vraiment très très bons. Voilà, j'étais pas très content à la deuxième projection. On peut parler technique, mais au niveau son, je trouvais que le son n'était pas très bon. Et que finalement, c'est là qu'on se rend compte que le son sur un film, c'est vachement important. Et que quand le son est pas optimal, il y a plein de nuances qui ne passent pas. Bon, pour le reste, le propos, il était là. Le film était ce qu'il est. Et nous, on le défend, je pense, à 200%. Après, c'est vraiment technique. Sont un peu à l'image de la production du film. C'est-à-dire quelque chose qui mêle un peu l'improvisation. Il n'y avait quand même pas énormément de moyens. On a tous payé beaucoup de notre personne. Donc forcément, il y a toujours des petits couacs ici et là, des imprécisions, des imperfections. Et particulièrement au niveau son, où quand même, malgré tout, c'est tout un art. Ceci étant, le son du film est bon, hein. C'est vraiment juste qu'il y a eu un problème au moment de la projection et que voilà, le son n'était pas à 100%, il était peut-être à 78%. C'était 78%, c'est pas assez. Nous, on veut 120%, voilà. Nanana. Il y a quand même d'une scène où on s'est rendu compte qu'elle était toute pourrie parce que le micro, on travaillait avec des micros à chef, il s'est retrouvé dans le dos du comédien et donc ça a été quand même une galère, quoi. C'est aussi ça En Marche. Oui, savoir que c'est normalement, ça se trouve pas là le micro, ça se trouve devant, sur les gens qui savent pas, on sait jamais, qui comprennent pas. Hein. Allez, on démarre. Donc autour de la table, il y a Pierre Lorquet, il y a Luc Malguem, Sabine Ring, comment on dit, Ringelheim, qui n'est pas là. Elle n'est pas là, il s'excuse. Comment son nom ? Ringelheim. Voilà, j'avais bien prononcé. Pierre Schoenbrot. C'est tout à fait juste. Schoenbrot aussi, ouais. Et puis Alain Éloi. Voilà, donc vous êtes cinq réalisateurs à faire cette fiction En Marche, qui fait quoi ? 58 minutes ? 1h20. Ça s'est passé vite, dit quand je l'ai regardé, c'est que je ne me suis pas ennuyé. Hein. Bon, qui décrit un peu ? Et donc vous êtes un collectif, un chat. Voilà. Pourquoi un chat ? Parce qu'il fallait bien appeler. Donc il fallait bien appeler un chat. Donc on l'a appelé un chat, un chat. Et donc le collectif s'est créé pour la réalisation de fiction radio, dans lequel déjà on essaie de jouer avec les codes du média, radio en l'occurrence, où on fait des faux documentaires, à savoir qu'on raconte des histoires, mais on fait intervenir des gens dans avec leurs propres paroles. Et on mélange scènes de fiction et paroles de personnes qui l'apportent elles-mêmes. Puis on s'est dit, en rencontrant notre ami Pierre Schoenbrot, qui lui faisait de l'image, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire la même chose en film ? Et on s'est lancé un petit peu, naïvement, en pieds nickelés, en disant, on va faire un film. Et puis, un film qui ressemblerait à ce qu'on fait en radio. Et voilà, ça a donné En Marche, sous-titré « Histoire de l'homme-machine ». Et on s'est dit, pour pas partir dans nos conversations, hein, on va démarrer parce qu'il y a aussi, j'ai oublié de le citer, quoi, Edgar Donc Edgar Schotz, que certains d'entre les auditeurs connaissent comme chroniqueur sur La Première et humoriste, est aussi un économiste, un vrai économiste. Et puis il a joué dans notre film. Il a joué donc un chômeur, mais voilà, un chômeur particulièrement versé dans l'économie. Et nous avons Edgar au bout du fil. Bonjour Edgar. Peut peut-être expliquer pourquoi, ou bien on s'en fout de... Normalement, il devait être là avec nous, hein. Ouais. Ah, pourquoi il n'est pas là? Bah oui, il faut l'expliquer. Edgar. On peut lui poser la question. Parce que là, on se poserait la question pourquoi on donne la parole à Edgar et pas à Sabine, quoi. Vous voyez, bon, Edgar, il devait être là. Et Sabine, d'office, elle ne pouvait pas être là. C'est le patriarcat. Voilà. Tout de suite, les grands mots. Bon, ben, salut Edgar. Bonjour. Ça va, oui, ça va. Mais donc, j'ai fait un accident de vélo hier. J'ai l'épaule et la clavicule cassées, ce qui limite un peu mes déplacements. Ça doit faire mal, ça, non? C'est pas très agréable. C'est un peu de technique pour trouver la bonne position pour dormir. Je sens que je vais me professionnaliser là-dedans. C'est bien, ça. T'as du boulot, quoi, en gros. Voilà. Bon, on se disait avant de démarrer la conversation ici à 5, de te donner la parole sur la question... sur le film et sur la... Ouais. Quelle est la place du contrôle des chômeurs dans le dispositif dans le marché du travail par rapport à l'emploi? À quoi ça sert de contrôler des chômeurs alors qu'il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde, semble-t-il? Ça marche. Allez, c'est à toi. Ça t'inspire? Oui. Ah, mais je le fais maintenant, non, hein? Oui, si. Dis tout de suite, pardon. En gros, il y a différentes théories, mais d'abord, ça vient pas de nulle part et ça n'a pas remplacé rien du tout, hein. On n'était pas avant ça. Donc, si je me souviens bien, la réforme date de 2004. Bon, elle est entrée en vigueur progressivement, hein, d'abord pour les moins de 25 ans, puis les moins de 30, puis les moins de 40, et puis tout le monde. Et elle a remplacé le pointage qui, au fond, était peut-être moins intrusif, mais puisqu'on contrôlait pas le comportement des chômeurs, mais on contrôlait le fait qu'ils soient bel et bien disponibles tous les jours. Le pointage, c'était quotidien, donc vous pouviez pas partir 3 jours si vous êtes bruxellois hors de Bruxelles, etc. Donc il y avait quand même des dispositifs de contrôle importants. Et ici, l'idée a été de remplacer l'ancien type de contrôle par pointage, qui était vu comme un peu dégradant et inutile, par un contrôle qui était censé être plus approprié, où on vérifiait que les chômeurs n'ont pas soit disponibles quotidiennement à l'heure qu'on voulait, mais recherchent effectivement bien de l'emploi. Le problème, alors pour être gentil, si on veut être gentil avec le ministre Van den Broek qui a pensé et mis en œuvre la mesure, c'est c'est une mesure qui peut, d'un point de vue économique et de marché de l'emploi, avoir un certain sens dans les zones où le chômage est très faible, ou ce qu'on appelle frictionnel, et où il y a vraiment des demandes importantes d'emploi non satisfaites. Et à ce moment-là, les 4-5% de chômeurs, en les activant, en les contraignant de façon plus ou moins dure à chercher de l'emploi, il est possible que ils en retrouvent plus vite et que les emplois qu'ils ne trouvent pas preneurs soient plus rapidement occupés. Mais donc ça marche dans certaines zones de la Flandre, je sais pas moi, la périphérie bruxelloise, à Vilvoorde, Zaventem, etc. Dans la plupart des régions wallonnes et la région bruxelloise, avec des taux de chômage beaucoup plus élevés, ça n'a strictement aucun sens, et même, enfin, comme on le voit dans le film, ça contraint les gens à chercher quelque chose qui n'existe pas, à répéter ad libitum des démarches. À faire semblant, quoi. Qui n'ont absolument aucun sens. Et alors, si on prend maintenant un peu de recul par rapport au rôle du chômage dans le marché de l'emploi et le rôle de la culpabilisation et le contrôle des chômeurs en matière d'emploi, l'expression vient de Marx. Il disait que les chômeurs, c'était l'armée de réserve du capital. C'est-à-dire que l'intérêt pour les employeurs d'avoir des chômeurs disponible à l'emploi, c'est d'éviter d'entrer dans des luttes un peu dures à propos d'augmentation de salaire, par exemple. Hein, si vous avez des employés qui vous disent « Moi, si je ne reçois pas 5% d'augmentation, je me casse. » Bon, quand vous êtes dans la Silicon Valley, ben, vous allez sans doute payer les 5% parce que des employés qui ont le niveau de compétences requis, etc., vous n'en trouvez pas facilement. Quand vous êtes une boîte de titre service, vous pouvez très facilement dire « Il y a 20 personnes qui sont prêtes à prendre ton boulot. » N'hésite pas, casse-toi. Et ce, il y a 20 personnes qui sont prêtes à prendre ton boulot, c'était sans doute beaucoup moins vrai avant l'activation des chômeurs, parce que c'était pas un boulot que beaucoup de gens avaient envie de pratiquer. Et c'est intéressant de constater d'ailleurs que les deux réformes, la création des titres-services comme dispositif de soutien financier public, à l'entretien ménager chez les classes moyennes, parce que c'est ça, hein, a été mise en place en même temps que le contrôle d'activation des chômeurs. Donc c'est vraiment deux réformes qui vont en parallèle, et l'une donne toute sa puissance à l'autre et permet aux employeurs des titres-services de garder une position de négociation avantageuse. Donc clairement, évidemment, avoir des chômeurs qui doivent trouver du boulot si possible compétents et qui sont un peu harcelés par l'ONEM, c'est très utile pour les employeurs. Alors, dernière chose, c'est que quand on regarde l'économie wallonne et bruxelloise pour le moment, il y a en effet encore aujourd'hui quand même plusieurs métiers qui sont en pénurie, donc des métiers pour lesquels il y a du boulot, et on a une masse importante de chômeurs. Le seul problème, c'est que les qualifications ne correspondent pas. Donc il y a certes des postes à prendre, mais les caractéristiques en termes de diplôme des personnes qui cherchent de l'emploi ne correspondent pas, et vous improvisez pas, je sais pas moi, comptable comme ça du jour au lendemain. Ben, t'as envie de rajouter quelque chose sur tout ça? Parce que là, évidemment, on t'a posé une question un peu plus ciblée, mais t'avais envie de dire quoi par rapport à ce film? Il commence un peu son parcours. Là, il a été montré, je pense, enfin, publiquement deux fois, une troisième fois ce soir. Je n'étais qu'à la deuxième vision. Mais je trouve que c'est vraiment un film à voir ensemble et qui lance très bien les discussions, et je pense notamment dans les milieux syndicaux, ce serait intéressant qu'ils soient vus, parce que les syndicats ont quand même pas mal participé. Enfin, d'abord, les syndicats sont co-gestionnaires de l'ONEM, hein, selon la gestion paritaire de la sécurité sociale à la Belge, au comité de gestion, donc ce qui ailleurs serait un conseil d'administration de l'ONEM, siège une moitié de représentants syndicaux, une moitié de représentants patronaux. Et donc c'est eux qui ont mis en place l'activation en garantissant une série de sécurités, hein, qui leur profite un peu, à savoir le fait qu'il y a des accompagnateurs qui ont pu être engagés pour aider les chômeurs lors de certains entretiens, mais pas tous, etc. Je pense que ce serait intéressant qu'ils s'interrogent sur leur rôle dans ce dispositif, sur le sens que ça a aujourd'hui, et en particulier, alors ça c'est entre guillemets le problème du fait que la sécurité sociale reste fédérale, c'est encore une fois que peut-être, avec beaucoup de bienveillance, on peut dire que le dispositif a du sens en Flandre, mais vraiment aucun autre qu'un sens d'humiliation en Wallonie et à Bruxelles. Et voilà, je pense que c'est intéressant de remettre la question en débat pour le moment. Et un des grands avantages du film, c'est de le faire de manière, je sais pas si légère est le mot le plus adéquat, mais en tout cas, c'est pas pesant. On rit à certains moments. Il y a un côté presque poétique. Et donc voilà, c'est pas le genre de film militant qui donne la réponse avant d'avoir posé la question et qui vous dit ce qu'il faut penser, mais qui ouvre une belle série de questions à discuter collectivement après. Donc je conseille à tout le monde d'aller le voir. Voilà ce que je dirais à dire sur ce film. Mais oui, évidemment. Mais Edgar, on te laisse, parce que ou alors le téléphone, enfin je sais pas, parce que on va démarrer quoi la converse. Hein. Un peu mal à mon oreille à un moment. ça me distrairait de mon mal à l'épaule, notre mère. Mais je vais tout de suite mettre la radio pour écouter la suite de la discussion. Avec laquelle je... Bien trouvé, bien vu. Ça. J'envoie des SMS. Hein. Pas mal. Merci Edgar. Hein. Salut, courage. Edgar. Merci beaucoup. Mais ça, c'est bonne, bien. Bonne discussion, bonne projection. Merci, merci. Ouais, le film, je trouve qu'il l'a bien, décrit, quoi. C'est vrai que c'est léger, en fait. Parce que du coup, moi, j'avais envie de discuter avec Edgar pour lui dire, oui, c'est pas Bureau de chômage, quoi. Vous voyez, le film, le docu, là, qu'il prend, je trouve ça, c'est... Oh, quand vous regardez ce documentaire qui est le même producteur que votre film... Tout à fait. Mais vous l'avez vu, j'imagine, ça vous... Hein. C'est un peu le point de départ. C'est un film qui nous a beaucoup interrogés. Et on s'est demandé, pourquoi l'ONEM avait accepté de mettre des caméras dans les bureaux. Et c'est une question qu'on pose dans le film aussi de manière un peu ludique. Pourquoi est-ce qu'on accepte de filmer ? Est-ce que c'est un message qu'on envoie aux chômeurs ? Ne devenez pas chômeurs, ce qui va vous arriver est affreux. C'est vraiment le sentiment que j'ai en sortant de ce truc, moi. Je vois bureau de chômage, je vais travailler. Ouais, sauf que c'est pas toujours si évident... C'est pas, il suffit pas de dire je vais travailler pour trouver du travail. Bah, en marche quand même. Hein. Non, mais je vais avoir la trouille et je vais être sage, je vais faire tout ce qu'on me demande. Voilà. Parce que c'est ce qu'on essaie de montrer dans le film aussi, c'est qu'il y a une espèce de foutage de gueule qui fait qu'on ne te demande pas, et ça s'est répété plein de fois dans le film, on ne te demande pas de trouver du travail, on te demande d'en chercher en fait. Et d'ailleurs, quelqu'un qui veut vraiment chercher du travail, il va voir les gens, il va prendre tout ce qui est informel, qui est les réseaux, etc. Tout ce qui n'est pas, qui ne peut pas faire non plus, qui ne peut pas se prouver, c'est comme si ça disparaissait de la réalité. Or, comment est-ce qu'on trouve du travail ? Je sais pas si tout qui a déjà cherché ou trouvé du travail réellement le fait par des réseaux, par des démarches, par des intermédiaires, et pas en écrivant des lettres, et surtout pas en répondant à des annonces auxquelles 500 personnes vont répondre alors que la place est déjà prise. Et donc, voilà ce que demande ce dispositif de contrôle. Ce qu'expliquait, enfin, c'est l'état social actif, comme disait Vandenbroucke, c'est de renverser un petit peu la responsabilité de l'État en disant que le chômage, c'est plus de la faute de la société, c'est de la faute des chômeurs, quoi. Comme la misère, c'est de la faute des pauvres. C'est à chacun de s'en sortir elle-même et de produire quelque chose qui va faire qu'il va avoir un certain résultat. Et ce qu'on a voulu montrer de manière effectivement tragicomique et sans faire souffrir. Légère, c'est vrai. Et sans faire souffrir des vrais chômeurs, même si beaucoup de gens qui ont participé au film ont déjà vécu la chose, mais le font en dénonçant le côté un peu absurde, et l'absurde n'est jamais loin du comique, ou inversement. Surtout que notre personnage focal, c'est pas directement les chômeurs, c'est le facilitateur qui, lui, aime son boulot, et c'est un brave type. Enfin, est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il est pas sympa, en fait on s'en fout, c'est un être humain, mais simplement dans un rôle de non-humain, de... Il est quand même sympa, le facilitateur, ouais, hein, parce que t'en as vraiment des salauds. Hein. Il est plutôt sympa. Sympa. Mais sa sympathie ne sert à rien, en fait. Et du coup, il souffre. Tu trouves qu'elle sert à rien ? Est-ce qu'elle sert, elle sert pas à trouver du travail aux gens ? Elle sert pas non plus à... Oui, à cet objectif-là, oui. Mais je veux dire, elle sert... Enfin, ça fait quand même du bien de pas être complètement salaud et d'être hyper... Non. Ça lui fait surtout du bien à lui, en fait, de se sentir bien dans son boulot, parce que c'est quelqu'un qui aime son boulot. C'est bien d'aimer son boulot. C'est chouette d'avoir un boulot. Et c'est ça aussi qu'on a voulu montrer, c'est que c'est chouette d'avoir un boulot. Et donc, les gens qui ont un boulot n'ont pas conscience que c'est tellement chouette d'avoir un boulot que c'est affreux de ne pas en avoir, et que c'est pas juste toucher du boulot à rien foutre, c'est être humilié, avoir peur du facteur parce qu'il peut apporter une mauvaise nouvelle, c'est être tout le temps stressé, être dans l'embarras quand il s'agit de se présenter. Et vous faites quoi ? Ben, je deviens... Tu as déjà été au chômage, toi ? Oui, bien sûr. Longtemps ? À de nombreuses reprises, ouais, c'est quelque chose, quoi. Enfin, je pense que d'abord les gens de plus de 50 ans, de moins de 50 ans, pardon, bref, des gens de à peu près tout le monde en âge de travailler a quand même connu ça. De nos jours, c'est assez rare, les gens qui ont jamais connu l'étape chômage, avec plus ou moins de, ben oui, moi travaillant dans des milieux socioculturels, etc., oui, bien sûr, j'ai connu le chômage, et j'ai connu, oui, la trouille et pas tellement que j'ai pas peur de ne pas être occupé, j'ai toujours trouvé de quoi m'occuper, de quoi travailler bénévolement, c'est-à-dire dans des projets artistiques, etc., mais juste de justifier mon existence au regard de la société, c'est super culpabilisant, quoi. Réaction Martin d'abord. Parce que j'avais aussi envie de commencer comme ça, mais on est rentré dans le vif du sujet, mais le chômage, t'as donné un peu ton avis aussi, au fond, qu'est-ce que tu penses du chômage personnellement, tu vois, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est très mal et qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de chômage. Non. Mais je veux dire, il y a ce discours aussi dans la société. Alors moi, je discutais avec ma voisine. Ah oui, mais quand même, le chômage, il y a des profiteurs. Et c'est parti. Alors que peut-être les profiteurs. Ta voisine a envie d'être au chômage. Ça lui donnerait envie de l'aide, d'être au chômage. Oui. Elle se sentirait bien, parce qu'elle dit il y a des profiteurs. C'est ça, mais c'est parce qu'elle est. Je pense que c'est une gonzesse qui a toujours travaillé, qui est sympa, tu vois. Donc on s'est un petit peu. Parce que moi, ça me fait tout de suite monter dans les tours, tu vois. C'est vraiment ce que les médias ou ce que le pouvoir a envie de diffuser aussi. C'est que les chômeurs, c'est des sales personnes qui sont des profiteurs sur le dos des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais aussi envie d'avoir un peu votre avis. Mais évidemment, bon, avec un film comme vous avez fait, on se doute un petit peu de votre avis, mais. J'avais envie de le mettre sur la table aussi, de ces sales chômeurs profiteurs. Non, mais de toute façon, moi, évidemment, je suis convaincu que les chômeurs ne sont pas des profiteurs, c'est certain. Mais ceci dit, dans ma famille, je pense que si je posais la question, beaucoup diraient, bah, si, les chômeurs, c'est des profiteurs, ils n'ont qu'à trouver du travail, ils n'ont qu'à traverser la rue. Évidemment que ce n'est pas vrai, évidemment que ce n'est pas un plaisir de ne pas avoir de travail. Et évidemment que c'est absolument. Enfin, la solidarité, pour moi, c'est une question qui ne se pose même pas. C'est peut-être ça qui me différencie de certaines personnes qui sont plus à droite que moi, peut-être. Mais effectivement, le principe de solidarité, pour moi, il est évident, il est nécessaire, il est clair. La question ne se pose même pas. Et donc, du coup, le chômage, c'est un principe de solidarité, puis basta, c'est tout. Et pourquoi est-ce qu'on culpabilise les chômeurs? Alors là, ça, c'est vraiment. Ça me sidère, mais complètement. J'ai même pas. En fait. C'est très bien parce que mes camarades sont un peu plus intello que moi, donc ils peuvent en parler plus longuement. Moi, ma réaction, c'est juste, j'ai envie de dire, ça me rend fou. Je trouve ça énorme et crétin, surtout crétin, très crétin. Oui. Il fait partie d'une catégorie de chômeurs aussi particulière, à savoir les artistes. Et les artistes sont soumis à des contrôles qui sont totalement aberrants. Et ça met des situations quand même qui sont terribles, parce qu'effectivement, un artiste, quelqu'un qui fait un métier qu'il aime, qui se retrouve devant un contrôleur qui est mal payé, qui se fait engueuler toute la journée, c'est des situations de tension monstrueuse, enfin, c'est horrible. Je ne sais pas ce que pense Alain, mais... Moi, je suis chômeur depuis l'âge de mes 24 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et j'en ai 55. Donc je suis chômeur depuis 31 ans. J'ai la chance d'être un chômeur qui travaille... Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais... Qu'est-ce que tu veux dire quand? Parce qu'un chômeur qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup, ça veut dire quoi, ça? En gros, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais en gros, comme artiste, on garde le chômage parce qu'on n'a pas de sécurité de l'emploi, aucune. Il se fait que j'ai la chance, moi, d'être employé de manière très, très régulière, notamment parce que je fais beaucoup de doublage de films, de dessins animés, etc. Donc, du coup, j'ai très peu de jours chômés sur un mois. Mais par contre, je garde le statut parce que si, par exemple, quand le Covid arrive, imaginons... Et qu'on se retrouve pendant deux mois sans pouvoir travailler, que des productions théâtrales tombent les unes après les autres, on est très content d'avoir effectivement ce chômage. Et donc je le garde, moi, par sécurité. Donc je suis un chômeur qui travaille beaucoup, effectivement. Sauf que quand il y a eu la période Covid, par exemple, tout ce qui a été mis en place était tellement compliqué que je n'ai pas touché le chômage pendant plusieurs mois. Or, il y a un moment dans ma vie où j'ai vraiment eu besoin du chômage, c'était pendant cette période Covid, c'était le moment où l'argent n'est pas arrivé. Mais alors, c'est vrai, moi, il m'arrive de devoir... Enfin, c'est quand j'ai un contrat de longue durée, je dois obligatoirement me réinscrire dans mon organisme de paiement, qui est la FGTB, et ensuite, je dois passer chez Actiris. Et je finis par me faire virer chez Actiris, ça veut dire à force de dire une connerie comme celle-là, mais moi je dis que Actiris ne donne du travail qu'aux gens qui travaillent chez Actiris. Or, ils sont censés donner du travail aux gens, mais une seule fois, enfin, je racontais ça il y a pas longtemps, une seule fois, j'avais quand même une quarantaine d'années, puis on s'interroge un peu hein, à ce moment-là. On se dit, tiens, je suis acteur depuis 25 ans, ou tiens, je ne ferai pas autre chose. On réfléchit. Pas plus de 25 ans, mais plus presque 20 ans. Et j'ai poussé la question à la personne que je rencontrais chez Actiris lors d'une réinscription, disant, tiens, et vous pensez que je pourrais me réorienter vers quoi? Et là, j'ai eu un grand moment de silence qui m'a permis de vérifier la compétence de la personne que j'avais en face de moi, qui n'a même pas cherché. L'incompétence ou la compétence? L'incompétence, qui n'a même pas... Cette personne n'a même pas cherché. Elle m'a envoyé bouler, tout simplement. Voilà. Et toi, Pierre, il y a un petit bruit, là, c'est un peu énervant. Hein. Vous voulez que Ça va aller, c'est parce que c'est lui, bouge. Bouge plus, s'il te plaît. Parce que c'est un peu irritant. Non, mais voilà. Pierre, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, sur ce chômage ? Bah, et que c'est consternant de vivre dans une société qui se bat pendant si longtemps pour des droits que pour finalement les remettre en question et en tout cas essayer, au fur et à mesure que le temps passe, de les détricoter. Et donc, moi, c'est ce que j'aime dans ce projet de film, c'est qu'elle vient remettre du débat, pas remettre du débat, proposer en tout cas de débattre sur une question qui finalement ne s'est jamais débattue depuis, Edgar le disait, 2004, c'est l'efficacité de cette mesure de contrôle, puisque grosso merdo, le taux de chômage est toujours le même depuis la mise en place. Donc ça veut dire qu'en plus, c'est une mesure qui n'a pas eu du tout d'efficacité, quoi. Et pourtant, elle est passée tellement, tellement dans l'inconscient collectif, pour peu qu'il existe. En tout cas, plus personne n'oserait la remettre en question. C'est évident que si on perd son emploi et qu'on va au chômage, il y a un moment où on sera contrôlé, quoi. C'est une évidence pour la majorité de la population belge. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible, je trouve, d'en arriver là, de se dire, donc c'est plus un droit. C'est un privilège qu'on vous donne et qui est en plus temporaire. Parce qu'il y a un moment où vous n'aurez plus ce droit au chômage, mais vous irez au CPS. Et là aussi, vous serez contrôlé. On ira voir si vous êtes cohabitant ou si vous êtes plutôt en isolé. On ira compter le nombre de brosses à dents qu'il y aura dans votre salle de bain. Et en plus, l'assistant social qui s'y collera, il pourra venir à l'improviste, un peu comme un juge d'instruction. Non, c'est dingue. Et moi, qui n'ai jamais été au chômage, mais qui partage les mêmes valeurs de solidarité qu'Alain, je me dis, ça, c'est juste pas normal. Donc, espérons que ce film puisse permettre du débat. Et autour de toi, dans ta famille, tes amis ou un peu plus lointain, il y a aussi ce discours, sale chômeur, profiteur. Alors, sale chômeur, je dirais, je n'irai pas jusque-là, mais oui, dans ma famille, il y a des personnes qui trouvent ça tout à fait normal qu'un chômeur soit contrôlé. Alors, il y a eu un accident de vie dans ma famille et une personne qui tenait ce discours-là a quand même vu les choses différemment quand son statut d'indépendant s'est fragilisé avec son affaire et qui a pu retrouver ses droits au chômage rapidement et donc vivre au crochet des actifs. Et donc là, effectivement, les choses changent quand même. Hein. Je ne crois plus qu'elle tiendrait le même discours. Il faudrait que je lui en parle. Ouais, du coup, ça donne envie... Bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, le film. De toute façon, les gens qui nous écoutent, allez voir le film, quoi, de toute façon. Mais ça donne envie de dire, quoi, ceux qui pensent que les chômeurs, c'est des profiteurs, etc., ce sont des gens qui n'ont jamais eu de problème dans leur vie. Je ne sais pas si vous êtes posé cette question-là, parce que vous avez réalisé ici, hein, vous êtes réalisateur. Moi, j'aimerais bien que Luc nous fasse part de son expérience, parce que, étant au chômage, il s'est fait engager par le VDAB, donc l'équivalent d'Actaris flamand, et pour travailler pour le VDAB. Pendant 6 mois, j'ai été adjoint à communication au VDAB, sans parler flamand, c'était assez fort. Et alors, ce qui est vraiment impressionnant, c'est au début, donc, pour prendre la culture de l'entreprise, tout le monde passait, il y a un certain temps, passait à la formation des placeurs, enfin des contrôleurs. Et donc, il y avait 30 personnes qui étaient au chômage la veille, qui, après une demi-journée de formation, tenait le discours des contrôleurs, à savoir qu'il fallait que les gens se bougent. Il y avait le parcours du chômeur. On avait un schéma où on expliquait ce qu'il fallait faire. Si le chômeur n'avait pas fait ça, il fallait aller dans telle case. Et à la fin, c'était l'exclusion. Et c'était vraiment étonnant. Dans le couloir, à midi, tout le monde, les trois quarts étaient convaincus qu'il fallait activer les gens. Et toi ? Moi, non, évidemment. Toi, tu jouais du jeu. Moi, j'essayais de comprendre ce qui se passait parce que je parlais pas flamand. C'est marrant parce que ça me fait. On s'écarte du sujet, mais ça me fait un peu penser à ces mecs qui mettent des prunes sur les voitures. Je pense qu'ils seraient les premiers à casser la gueule. Non, on s'écarte pas. Je trouve que c'est le même sujet. C'est vrai. C'est-à-dire que tout à coup, tu dois justifier ta fonction. Ils seraient les premiers à casser la figure aux personnes qui mettent des prunes sur les voitures. Mais comme eux mettent des prunes sur les voitures, ils sont bien obligés finalement de trouver une raison de vivre et de continuer à vivre en faisant un métier que eux-mêmes détesteraient s'ils ne le faisaient pas. C'est quand même extraordinaire, je trouve. Est-ce que l'anecdote que Luc raconte est consternante, mais elle ne m'étonne absolument pas. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut pas faire un boulot et le trouver complètement inconsistant, inconséquent et absurde. On peut pas le faire. Sinon on se flingue, on se détruit, on se détruit. Au minimum, on se détruit. On finit par se flinguer quand même. Donc, comment il s'appelle cet anthropologue mort il n'y a pas tellement longtemps là, qui avait fait un livre sur le bullshit job. J'arrive plus à revenir sur son nom, qui est mort il n'y a pas longtemps. Qui avait dénoncé ça, tous ces boulots qui servent à rien, les gens s'emmerdent. Donald Trump. J'arrive plus à revenir sur son nom. Soit, on va le retrouver. Google est mon ami. Mais du coup, toi, c'est le rôle de Martin qui est, parce qu'on fait le lien avec ce que tu viens de dire juste avant, qui est facilitateur. Moi, j'ai fait facilitateur. Et donc, qui est contrôleur, quoi. Lui, c'est vraiment un personnage, ben voilà, dans le film où on voit bien, mais il est vraiment, il est starbé, ce type, hein, quand même. Bah non, il jouait pas moi. Oui, mais je veux dire, il est starbé, il se raconte des histoires. Enfin, et en même temps, bon, c'est vraiment pas un gros salaud dégueulasse, hein, ça c'est sûr. Non, il essaie de faire son boulot avec humanité. Mais et justement, voilà, il fait partie de cette... David Graeber. Voilà. Et donc, il fait partie de cette catégorie de gens, effectivement, qui doivent trouver un sens à leur existence. Mais s'il s'arrête une seule seconde, bah voilà, le problème c'est que c'est... D'ailleurs, Ben Azayak le dit très bien dans le film, puisqu'il fait partie de ces... Enfin, tu l'expliqueras peut-être, mais il fait partie de ces... On l'explique maintenant. En fait, oui, il y a Isabelle Stengers, philosophe. Il y a la sociologue du travail, Dominique Méda. Il y a Miguel Ben Azayak, qui est psychiatre, psychanalyste. Et puis Antoinette Rouvroy, chercheuse. Voilà. Donc, à travers cette fiction, on fait parler ces gens pour dire un peu ce qu'ils pensent, quoi. C'est-à-dire qu'ils observent le comportement de Martin et ils le commentent en plus ou moins en direct, comme ça. Mais mes petits camarades expliqueront peut-être mieux que moi le procédé. Et donc, Miguel Ben Azayak le dit, c'est-à-dire que si cet homme s'arrête une seule seconde et qu'il se regarde, c'est la chute. Il continue à essayer de trouver une valeur à son travail et il le fait effectivement avec une humanité. Mais le problème, c'est qu'il peut avoir toute l'humanité du monde. Il est obligatoirement face à un mur puisque son boulot est absurde de toute façon. Donc, oui, mais moi, quand je regarde le film, voilà, j'avais envie de donner un petit peu un avis comme ça, mais c'est sûr que c'est pas Bureau de chômage, quoi, votre film En Marche. Hein. Ça veut dire que on n'y croit pas trop. Vous voyez, c'est de la fiction. On voit que vous jouez. Je veux dire, les gens qui passent devant Martin, le contrôleur, ils disent et ils font des choses qui se feraient jamais dans la vraie vie, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais c'est ça, c'est ce que disait Edgar au début. Je trouve que oui, c'est léger, quoi. On aborde les choses pas avec violence. C'est sans doute moi qui, dans mon métier, est journaliste, réalisateur plutôt de reportage, c'est sans doute là où la fiction nous bat. Nous, hommes de médias, d'information, on va dire, c'est que ça apporte quand même... D'information du réel, quoi. Ouais, c'est ça. La fiction apporte une force narrative, une distance, là, de l'humour aussi. Moi, c'est ce qui m'a convaincu, d'ailleurs, de participer à ce projet. C'était la force des dialogues qui m'a beaucoup fait rire, déjà, sur papier. Et donc, ça permet une distanciation et peut-être, parfois, c'est dingue, ce Queen, mais on va le trouver, on va essayer de... Et donc d'amener peut-être parfois plus facilement du débat là où le documentaire, parfois, moi je l'ai bien vu dans certaines de mes projections de reportage, plombe l'atmosphère tellement que tout le monde est figé et que le débat n'arrive parfois pas à décoller. Oui, c'est vrai, j'entends ce que tu dis. Mais en tout cas, oui, votre film, il... Moi, ce qui m'a... Mais on s'en fout. Je veux dire, moi, ce qui m'a peut-être un peu dérangé, c'est que des fois, il y a des situations qui sont complètement... Parfait. Oui, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Mais c'est pas grave. Je trouve que, pour finir, c'est quand même vachement branché sur le contrôleur et de voir un peu sa... Je sais pas si vous êtes d'accord. Sa psychologie, sa folie, c'est... c'est, c'est, c'est... c'est décalé aussi, quoi, cette fiction. Par exemple, mon fils, par exemple, il m'a dit c'est dommage qu'on ne voit pas plus le contrôleur en dehors, qu'on ne voit pas sa vie. On y avait pensé d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est parce que lui, c'est attaché aussi à la partie fictionnelle et au personnage, effectivement, du facilitateur. Après, peut-être que certaines personnes qui sont plus politiquement engagées se diraient tiens, ce serait mieux d'axer ça plus sur les peut-être les chômeurs et plus sur la problématique du chômage. Nous, ça y est, la problématique du chômage, elle est là, elle est abordée par nous. D'ailleurs, elle suscite des débats, des discussions et tout, et c'est très bien. Mais effectivement, voilà, à partir du moment où on décide de réaliser un film de fiction, eh ben, on lui amène aussi des situations qui sont effectivement fictionnelles. Mais en même temps, je crois qu'elles ne sont pas nécessairement si loin que ça de la réalité, pour certaines, je pense. Ce qu'on voulait aussi hésiter, et peut-être c'est ton impression vient de là, c'est une esthétique un peu à la striptease où on filme des gens qui ne manipulent pas bien la langue, qui ont des côtés un peu ridicules. On voulait des chômeurs assez forts, en fait. Le but du jeu, c'est de montrer un trajet de souffrance de ce personnage qui, au départ, superbe et pérorant, s'en prend quand même plein la gueule et que, au fur et à mesure des entretiens, c'est lui qui se dégrade et les chômeurs s'en sortent plutôt bien, pas dans leur vie de chômeur, mais dans le rapport de force qu'ils ont avec eux. Et donc, c'est là, effectivement, où on tord un petit peu la réalité, parce qu'on n'avait pas envie de montrer les chômeurs en état de faiblesse, en état de vulnérabilité. On n'avait certainement pas envie de faire souffrir des gens. C'est pour ça aussi le choix de la fiction, mais de lui en faire prendre plein la gueule. Et d'ailleurs, le film, pour lui, ne se termine pas. De lui en faire prendre, le contrôleur, hein, parce que tu montes avec ton doigt, mais les gens ne voient pas. Tu vois, pour qu'on comprenne. Notre personnage, le facilitateur, quoi. C'est lui notre personnage focal. C'est lui, c'est à travers lui qu'on. Et donc, on peut le dire, c'est le trajet du dernier facilitateur humain avant que sa fiction soit remplacée. Et on l'a pas encore dit, machines. Donc, l'idée, c'est l'homme-machine. Est-ce que c'est mieux, et on ne répond pas à la question parce que c'est une mauvaise question, mais c'est intéressant de la poser malgré tout. Est-ce que c'est utile de mettre un être humain dans un rôle de machine, quitte à le faire souffrir, parce que le jour où il se rend compte qu'il souffre pour rien, il explose. Et les gens qui verront le film verront comment et pourquoi, mais voilà, ça se termine pas très bien pour lui. Alors que si on met une machine à sa place qui prétendument sera plus juste, aura moins de préjugés, sera pas raciste, sexiste, aura pas ses. Face à la machine, c'est quand même un rapport assez morbide aussi et encore plus destructeur du point de vue des chômeurs. Donc, notre point de vue, c'est que le contrôle et la manière de faire souffrir les chômeurs est dégueulasse et que ni automatique ni pas automatique, mais jouer avec ce côté autodestructeur du capitalisme qui détruit tout ce qui produit, qui fait que l'automatisation, que tout ce qui se crée en matière d'emploi, y compris des contrôleurs d'emploi, par une logique, c'est pour ça que ça s'appelle En Marche aussi, c'est que c'est une espèce de logique imparable et inexorable d'un monde qui détruit tout ce qu'il produit, y compris les jugements, le gisement d'emploi que fournissait, comme disait Alain, Actiris, qui fournit du travail non seulement de contrôleurs, mais des ASBL qui produisent des coachs, des relookers, des machins. Donc le non-emploi comme source d'emploi. Forcément, ça va comme toutes les bulles. Un jour, ça va éclater et ça va faire des chômeurs en plus, quoi. Parce que c'est le capitalisme qui produit ça. Pourquoi tu dis que ça va faire des bulles en plus? Là, je suis pas l'idée. Parce que c'est la logique de... Quand à un moment donné, ça ne sert à rien, on le voit, et puis on doit inventer autre chose. Jugement d'emploi, comme tous les autres jugements d'emploi, va se casser la gueule et produire des chômeurs. C'est une espèce de logique de l'histoire. Et ce qu'on peut rajouter aussi, que dans le film, il y a une ligne qui est plutôt métaphorique et pas tellement de commentaires, parce que ça filme quand même relativement bavard, comme nous, tu l'as remarqué. C'est qu'il y a une partie d'animation qui a été réalisée par Zorro Balbel, qui illustre un peu cette logique de la machine à vapeur jusqu'à la numérisation de trucs en route dont on ne sait pas très bien à quoi ça sert, si ce n'est que ça fonctionne tout seul et que c'est de plus en plus déshumanisé. C'est parce que nous, on focalise dessus, mais qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur ce que dit... Que si les chômeurs sont forts dans le film, c'est aussi parce qu'on avait envie de lutter contre la culpabilisation des chômeurs, et donc c'est une forme de revanche symbolique par rapport au réel. Et donc c'est tout à fait logique que nos chômeurs soient plus forts peut-être que dans la réalité. Par rapport à Bureau de chômage, effectivement, Bureau de chômage, c'est un film qui donne envie de pleurer. Oui, oui. Mais moi, peut-être ce que peut-être dans mes repères, tu vois, c'est que si c'est de la fiction, alors on y va vraiment, quoi. Je trouve que On y, voilà, je trouve que pour moi, dans mon, dans mes repères, dans ma sensibilité, j'aurais mis le curseur un peu plus au-dessus, tu vois, ouais, que ce soit un peu plus. On est dans la fiction, allons-y, quoi, tu vois, ouais, voilà. Ou sinon, ça me donne l'impression qu'on n'y croit pas trop, quoi, parce que c'est pas, tu vois, il aurait fallu un chouïa le curseur un peu plus haut, pour moi. Hein. Tu veux dire être plus dans le burlesque ou carrément un parce truc que là, plus... ça fait comme si on jouait que c'était vrai, mais on voit que c'est pas vrai, et donc j'y crois pas trop, tu vois. Tandis que si on mettait le curseur un peu plus haut, là, on savait qu'on était dans le burlesque d'office, et alors on peut... Mais voilà, de toute façon, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais j'ai bien aimé le... Moi, je suis pas tout à fait... Le Martin, donc le contrôleur, où on voit vraiment toute... toute sa psychologie s'effondrerait. Et puis aussi le thème quoi, de votre film, qui est à quoi ça sert tout ça, au fond. mais en même temps, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce qu'au début, effectivement, ça commence comme tu dis, et puis il y a une évolution dans les scènes, pour en arriver à la scène extrême avec Aurélien Ringelheim. Mais il y a une évolution, je trouve, dans le code de jeu. Je peux en parler super à l'aise, puisque je ne suis pas responsable, c'est pas moi qui ai fait le montage. Mais il y a une évolution. C'est ça, c'est ouais, les goûts et les couleurs, en gros, voilà. Ouais, moi, je dis toujours mes goûts et mes couleurs, on ne les discute pas, voilà. Non, mais voilà, c'est pas intéressant de discuter. Les gens doivent voir le film et ils verront bien. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est discuter du message envoyé. Et le message envoyé, ça fonctionne, quoi. Le message envoyé, c'est dire à quoi ça sert ce contrôle. Oui, dis-moi. Et oui, là, il y a quand même un truc de dingue qui nous est arrivé. C'est que quand on a terminé le film, ce qui était plus ou moins vers la toute fin du mois de février 2020... La pandémie est arrivée. Et ça, c'est quand même un truc de dingue. Parce que nous, on s'est dit, ce film est mort. Au fur et à mesure que les mois passaient, on voyait la crise du cinéma, les films. Enfin bon, on s'est dit, il aura de chance, ce film. Et en fait, là où il a une chance, c'est qu'il y a plein de trucs qui s'y trouvent, qui se sont réalisés. Notamment, évidemment, toute la question du télétravail et la digitalisation des services publics, où maintenant, pour trouver un humain, il faut y aller. Bah, toute cette question est soulevée dans ce film. Et donc... Dans la fiction En Marche ? Oui, complètement. Et donc, il y a un côté dystopique, en fait, qui ne l'est presque plus. Alors, il y a quand même une partie qui heureusement, l'est encore. Mais il y a quand même l'histoire nous a quand même vachement rattrapés. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Quand on y réfléchit un peu, c'est quand même dingue. Oui, le contrôle automatique, on y arrive. Hein. Il y a des logiciels qui fliquent le comportement du chômage sur des chômeurs sur le site. Ah, il y a une annonce qui vous convenait, vous l'avez pas vue ou vous l'avez. Oui, ben on va vers ça, quoi. Vous l'avez vue et vous n'avez pas répondu, c'est encore pire. Et donc oui, la disparition de l'humain, c'est en route, oui. Je vous titille un petit peu, mais donc le film il sert à rien. Votre film il sert à rien. Enfin. Ah ben... Parce qu'on va de toute façon vers l'automatisation. Ça sera une histoire d'ici un an ou deux. Ouais, ce sera comme un cours d'histoire. On apprendra qu'il y avait des vraies personnes qui rencontraient des chômeurs pour les emmerder. Ouais, mais il faut changer les choses. Il faut aussi changer les choses. Et qui s'appelait vraiment facilitateur. Moi, ça, c'est vraiment un truc qui me fascine. C'est le service communication a été cherché. Comment appeler quelqu'un facilitateur alors que son rôle, c'est de vous expulser du chômage, c'est quand même du foutage de gueule total. Et pour continuer dans le foutage de gueule, donc il semblerait que les contrôleurs, je crois, côté Wallon, donc chez... Au Forum est beaucoup apprécié le fait de faire des contrôles à distance. Et donc maintenant, on va continuer à faire des contrôles à distance. Mais on n'appelle pas ça des contrôles en distanciel. Ça ne sonne pas bien et ça fait trop brutal. On appelle ça, ils ont inventé le concept de contrôle en physiciel. Donc il y a une personne physique, mais elle est dans l'écran. Je trouve ça génial. Oui, mais c'est ça. C'est vers ce système-là que l'on va. Et du coup... Ouais, comment faire pour changer la donne de cette, on a l'impression, suite logique. Vous voyez, votre film est un peu en retard, je dis ça, non, hein. Mais je veux dire, d'office, on va vers cette société de numérisation, de digitalisation. Comment vous voyez, s'il fallait imaginer autre chose, un autre film ou je ne sais pas quoi, comment casser ça? Comment empêcher ça ? Ce serait super chouette de faire un film où il n'y aurait que des ordinateurs, par exemple. Ce serait super passionnant. Les gens pourraient s'identifier, tout ça. Ben non. Non, non, moi, je pense que le film, il est absolument... c'est plutôt le contraire. Je pense qu'il est dans le super bon timing, puisqu'il raconte quelque chose qui, bientôt, comme je le disais tout à l'heure, fera partie de l'histoire. Donc, c'est... Non, c'est... Il est bien. Mais notre film, il est fabuleux, de toute façon. Il est extraordinaire. Il faut venir le voir, puis c'est tout. Voilà. Mais après, pour les changements, c'est plutôt dans la vie réelle qu'il faudra les envisager. C'est peut-être là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Espérons que tout le secteur, notamment de l'éducation permanente, puisse s'en emparer pour en faire un outil de débat. Et espérer que tout doucement, les gens se déconfinent vraiment. Parce que moi, parfois, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu confinés. Et qu'on puisse à nouveau utiliser les outils que notre société démocratique quand même propose, quoi. Tu penses à quoi? Bah, ça peut être d'abord évidemment les manifestations, voire la révolution, comme notre amie, notre philosophe Isabelle Stengers le propose. Ouais, c'est bien, elle ose, hein, parce que tenir ce discours-là, c'est pas toujours évident. Moi, je trouve qu'elle ose. Ouais, non, et je pense que la question, elle va se poser de plus en plus, de toute façon. Quand on voit la double crise qu'on vient de se taper, la pandémie suivie d'une crise de l'énergie, et on a tendance à oublier, les chômeurs, finalement, sont encore les plus chanceux. Il y a quand même encore des gens en dessous d'eux qui sont les allocataires du revenu d'intégration sociale et qui, dans l'autre partie de ma carrière, j'ai la chance de les rencontrer en Chine, mais vraiment plus que jamais, quoi. Et donc, c'est à se demander quand est-ce que tout ça va exploser. C'est une vraie question que moi, je me pose quand je vois cette précarisation de plus en plus généralisée. Je ne comprends pas, en fait, même comment cette société tient encore. C'est fou. Et la numérisation, et ça, je pense qu'il y a un cynisme derrière tout ça, fait que des tas de gens qui ont des droits ne vont pas aller les chercher parce que ça les rend inaccessibles. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais complètement. Ce qu'on appelle le non-recours au droit, qui est vraiment un objectif, ça pourrait être notre prochain film, ça. Le non-recours au droit, c'est quand même un objectif clair et net et affiché. C'est vraiment complexifier à outrance les procédures administratives pour dégoûter les gens, les décourager à revendiquer leurs droits. Si on automatisait tout ça, puisque quand on sait que, quand, je sais pas moi, on est malade, on a droit à la mutuelle, on perd son emploi, on va au chômage, enfin bref, si tout ça était automatique, ben évidemment que ça ne se... il y aura pas de non-recours au droit ici, c'est complètement l'inverse. En France, il y avait un système automatique qui envoyait des SMS pour prévenir les chômeurs qui devaient rentrer des documents, et c'est tombé donc une fois par mois. Et le système est tombé en panne, et ils se sont rendus compte que les chiffres du chômage avaient baissé considérablement. Et donc ils ont supprimé ce système de rappel. C'est merveilleux quand même. Je ris bêtement. On arrive tout doucement à la fin. Si vous voyez quelque chose d'essentiel à dire qu'on n'a pas encore dit. Peut-être, moi je trouve, ça c'est un peu hors sujet par rapport au film, mais c'est par contre très bien dans le chômage. Je trouve qu'il y a un truc vraiment dégueulasse qu'on fait aux jeunes, c'est la suppression des allocations d'attente et cette espèce de on vous ferme la porte au nez, nous on va garder les droits pour certaines générations, et puis tous ceux qui sont derrière nous, allez vous faire foutre. Là je trouve qu'en termes de génération, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Pourquoi tu trouves ça dégueulasse? Pourquoi c'est, bah parce que c'est vraiment après nous les mouches, quoi. Et on a, enfin, je trouve, qu'est-ce que ça dit de notre société? Déjà, on est... a l'impression que ça t'exaspère, ma question, là. Parce que pour moi... ça te paraît tellement évident. Oui, mais moi j'aime bien ne pas être dans l'entre-soi, tu vois. Sinon, on pense tous pareil, on est tous solidaires, on s'aime, c'est l'amour. Mais tu sais, il y a des gens, ils ne pensent pas comme ça. La voisine de droite. Bah, déjà, la voisine de droite, elle est née dans un monde qu'elle refuse à ses propres enfants. Ça veut dire qu'on est quand même dans une génération de boomers qui ont creusé la dette, qui ont creusé toutes les dettes, y compris environnementales, y compris sociales, y compris économiques, et qui, au fur et à mesure, pour payer leur grasse pension, vont mettre leurs petits-enfants au chômage. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Et en termes de génération, je trouve que là, il y a vraiment un État qui a surconsommé, qui a pillé le tiers-monde, qui a pillé les générations passées, qui a pillé les ressources naturelles. Ouais, on a fait quoi pour empêcher ça, nous? On est des mauviettes. On a un peu profité. Non, c'est pas fini, il faut pas être fataliste. Non, il faut vraiment réagir. Et je pense que peut-être, alors si ça a un côté positif, peut-être que ça va pousser plus les gens à la révolution. Parce que, mais non, je trouve qu'on. Non, je trouve... Tu le dis sincèrement ou bien tu. Parce qu'on est là. Moi, je le dis tout à fait sincèrement. Ouais, j'espère que. Il y a quelque chose qui se passe vraiment parce que. Oui, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut que. Il y a un truc qui s'est passé, on n'en parle plus beaucoup, il y a 3 ans environ en France, qui s'appelait les Gilets jaunes. Il y a un sentiment d'exaspération, il y a des... alors moi je ne suis pas du tout pro-Gilets jaunes, hein. mais... Pourquoi Pourquoi ? T'as une heure encore, là ? Non, allez, parce que c'est énorme de dire ça. J'imagine un gilet jaune qui... Moi, j'ai beaucoup donné la parole aux gilets jaunes. Je me suis beaucoup intéressée à ces gens-là. J'ai envie de me dégager comme Coluche et de dire je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Mais bon, bref. En tout cas, ça symbolise vraiment c'est la synthèse d'un mouvement d'exaspération. Des problèmes de pouvoir d'achat et ce genre de choses. Mais voilà, je pense que si les gilets jaunes ont existé, pourquoi pas demain les vestons noirs, quoi, et qui seraient peut-être un peu plus violents encore. Sauf que nous voilà prévenus, puisqu'on a vu comment la répression des gilets jaunes a super bien fonctionné. Donc voilà, le pouvoir nous a déjà bien dit attention, on sera bien là pour vous rappeler qu'il faut être sage. Ce qui est extraordinaire dans le film, c'est qu'Isabelle Stengers raconte les gilets jaunes avant les gilets jaunes. Donc elle annonce ce qui va se passer et c'est enregistré avant. Je trouve ça vraiment étonnant. Donc tout est prévisible, en fait. Tu crois ? Bah, hélas. Bon, ben, je laisse un petit peu quelques... Si vous voyez... quelque chose à dire. Plein de choses à dire. Vas-y, lance. Ben, je pense que ce dont on est en train de parler est finalement le plus, important à mes yeux. C'est la question de savoir jusqu'où notre système occidental aujourd'hui, économique et politique, va tenir, puisqu'on est arrivé, à mon avis, à un point d'inéquité le plus total, et pourtant il tient encore. Et ça me questionne vraiment, vraiment beaucoup. On se dit, mais punaise, ça va, c'est ça presque... Ça peut être pire, moi, j'ai l'impression. Il y a une phrase qui dit quand les frigos sont encore... quand il y a encore moyen de remplir les frigos, ça va, tu vois. Mais peut-être on crève pas... Enfin, ici, de toute façon, autour de la table, on crève pas encore la dalle. Hein. Il y a évidemment des gens qui ont difficile, mais voilà, ça tient encore. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, peut-être que c'est ce qui manque encore, c'est que les revenus moyens... ne sont pas encore suffisamment touchés et que donc il y a encore une cohésion sociale, puisqu'on sait bien qu'au bas de l'échelle c'est super compliqué, quand je repense à ma mère de famille qui pense continuellement à savoir comment elle va se nourrir, elle est même pas elle n'a pas le temps de penser à la militance, à la révolte, à la rébellion, elle est dans la survie au quotidien. Par contre, peut-être que le jour où nous tous autour de la table on commencera vraiment à ne plus savoir quoi manger, peut-être qu'alors ça bougera. À être solidaire, au fond, dans le coup, non ? Je choque, là. À être vraiment solidaire. Parce que, OK, il y a le chômage et tout, mais... Allez, il reste vraiment... il reste plus de temps, 2 minutes. À être solidaire ailleurs qu'au chômage. Vous l'êtes, vous, dans votre quotidien, avec les gens autour de vous Je passe le micro à côté. Moi, j'ai créé un fonds de solidarité pendant la période Covid qui s'appelait le fonds Sparadrap. On a aidé plus de 600 artistes, puisque les artistes étaient particulièrement touchés, et essentiellement justement des jeunes. Je pense que voilà. Sinon, pour le reste, c'est un moment, et on a vu. Alors pour le coup, que notre fonds a été alimenté par plein de monde qui aimait particulièrement la culture, et des gens qui donnaient des sommes d'argent assez conséquentes, sachant qu'effectivement, c'était destiné à aider des jeunes artistes qui ne bénéficient pas des allocations d'attente, machin, tout ça, et qui étaient furieusement dans la merde. Et on a mis ça en place, quoi. Voilà, et on payait les loyers, on payait les charges d'eau, de gaz, d'électricité, parce que ça, c'est vraiment des choses qu'on peut pas passer à côté. On est bien obligé de le payer. Bref, mais je ne pas, je pas. Enfin, voilà. Non, mais c'est une vraie. On peut prendre. Enfin, j'avais envie de prendre ce minuscule temps. C'est vrai, au fond, l'allocation de chômage, c'est de la thune, hein, d'accord. Mais je sais qu'il faut de l'argent pour vivre. Il n'y a pas de souci. Je suis comme vous. Je sais pas. Mais il y a aussi le fait d'aider, d'être intéressé. Vous voyez, d'être. De pas simplement. C'est pas simplement un concept, quoi. La solidarité aussi, c'est du concret, c'est quoi. Concret, voilà. On n'est jamais assez solidaire de toute façon. Donc, hein Donc on peut pas dire je suis solidaire absolument. Non, enfin, on fait ce qu'on peut et on n'en fait jamais assez. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, il faudra poser d'autres questions autrement. Et si c'est pas possible, ça va obligatoirement se poser dans des termes beaucoup plus violents que ça ne se pose maintenant. Et ça. La solidarité, tu parles ? Le manque de solidarité ou... Oui, mais j'imagine que s'il y a un manque de solidarité, je pense, droit chômage, il y a aussi une solidarité très concrète qui va se... c'est pas tout noir ou tout, Non, mais il y a un risque, par exemple, si les gens décrochent, ne réclament pas leurs droits, c'est ce que les sociologues appellent l'effet Sherwood, donc c'est-à-dire qu'ils vont disparaître dans la forêt, et donc avec d'autres systèmes de solidarité familiale, éventuellement mafieuse, avec un système clanique qui est peut-être pas ce qu'on souhaite. La solidarité, elle existera toujours, mais parfois de manière pas forcément telle qu'on le souhaite. Ouais. Pour conclure, c'est peut-être qu'on pourrait citer nos partenaires quand même, non? Éclectique Production. Non, ah bah quoi, merde. On notera ça. Bah allez. Et le Centre Librex. Et puis voilà. Et puis dire aussi que la cinquième roue du carrosse, Sabine Ringelheim vous embrasse. Ça c'est bien vu ça. Merci à vous. Merci.